Version de Paul Naref. Oui. Le batteur de Michel Polnareff ce soir, alors faut en profiter. Il est en forme. Allez. On est jeune. No reverb. Michel, love me. Toi Michel. C'est une poupée qui fait non, non, non, non, non. Toute la journée, elle fait non, non, non, non, non. Elle est tellement jolie qu'il chanterait peu la nuit. C'est une poupée Attends. Moi je transmets pas non plus là. C'est ce bordel ce truc. Et, vous m'entendez quand même? Est-ce que vous m'entendez les streamers? Bah si tu veux là. Jean-Pierre, tu veux la refaire pour Titi? Salut, c'est Zézé. C'est le patron, c'est le batteur. Hein. Dans un groupe, le patron, c'est le batteur. Si le batteur il joue pas, c'est lui qui commande. Hein. C'est le maestro. Là, on va la mettre sur le mur du Facebook de Michel Polnareff. C'est pour toi. C'est Je me voyais déjà. Hey, Martin. Martin et sa voix de robot. Martin. Martin. Martin. Au téléphone. Un morceau à Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, t'as pas une compo? Envoie un texte. Non, mais sans déconner. C'est pas toi. ACDC? Ouais, mais moi, ACDC. Mix. avis sur ACDC si tu veux. Mais bon, niveau chanteur. Ah non, on n'a plus de bassiste. Salut Gérald. Bye. Comme il faut ce morceau. Thank you. C'est bon avec un vrai batteur. Salut Titi. Bonne soirée les gars, bon appétit et plein de bonnes choses pour l'année 2013.